Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Caroline Loeb lit « Le magicien d'Oz » de Frank Baum. D'abord, j'avais vu le film, qui était donc « The Wizard of Oz » avec Judy Garland, qui est un film que je voyais tous les Noëls aux États-Unis, parce que j'ai donc été élevée à New York, et tous les Noëls, ça passait à la télé. Donc on se le refaisait chaque fois, et donc je le connaissais par cœur. Et après j'ai été le voir au cinéma, je l'ai vu en cassette, enfin je l'ai vu vraiment 150 000 fois, et c'est mon film préféré. Et c'est, enfin, en plus, c'est pas vraiment seulement un film pour les enfants, c'est un film, même pour les grands, c'est vachement bien. Puis il y a Judy Garland qui chante Somewhere Over the Rainbow, qui est quand même un grand classique. Et puis donc, après avoir vu le film, je me suis fait offrir toute la série de bouquins par mon papa et ma maman. Parce que le Wizard of Oz, en fait, c'est juste un des bouquins d'une grande série où il y a le prince d'Oz, Rinkitink d'Oz, Glinda d'Oz. Enfin, il y a toute une famille de gens comme ça. Et c'est, les livres étaient très très beaux avec des dessins comme ça, un peu trente, un peu baroque, un peu style nouille. Et c'est que des histoires fantastiques. Enfin, c'est l'équivalent de Heidi fait du ski, Heidi grand-mère, sauf que c'est beaucoup plus drôle et beaucoup plus inventif, et que c'est toujours des personnages avec des noms incroyables, et qui ont des chapeaux comme des escaliers, ou qui ont trois jambes. C'est vraiment merveilleux, quoi. Donc c'est la première fois que tu vas le lire en français. Donc c'est la première fois que je vais le lire en français. Alors j'ai découvert le livre en français, évidemment, qui est beaucoup moins bien qu'en anglais. Et puis malheureusement, bon, quand on lit en français, il n'y a pas les voix du film, parce que moi, c'est quand même le film qui m'a beaucoup marqué. Et les chansons, et parce que tous les acteurs qui ont fait soit le Tin Man, comment on dit, C'est l'épouvantail. Il y a l'épouvantail, il y a le lion, et il y a... Le bûcheron. Le bûcheron, c'est ça, qui était tout fait en métal, en fer, comme ça, en métal, qui rouille tout le temps. Et les trois acteurs qui jouaient ça étaient des acteurs incroyables. L'épouvantail, c'était un danseur. Il valait mieux que ça soit un danseur parce qu'il passait son temps à se casser la gueule et à se désarticuler comme ça, avec la paille qui sort partout. Celui qui jouait le lion, nous, on le connaissait bien quand on était petits parce que l'acteur qui faisait ça faisait une pub pour les chips, qui nous faisait beaucoup rire. Enfin, c'est des très bons acteurs de comédie. Donc, ça s'appelle La merveilleuse cité d'Emeraude, Emerald City. Malgré leurs lunettes vertes, Dorothée et ses amis, au début, furent éblouis par l'éclat de la cité merveilleuse. Les rues étaient bordées de maisons splendides, toutes de marbre vert et incrustées d'émeraudes étincelantes. Ils marchaient sur une chaussée du même marbre et la jointure des dalles était sertie de rangs serrés d'émeraudes qui resplendissaient au soleil. Les carreaux aux fenêtres étaient verts, le ciel au-dessus de la cité avait une teinte verte et le soleil lui-même lançait des rayons verts. Beaucoup de gens déambulaient dans les rues, hommes, femmes et enfants. Tous étaient vêtus de vert et avaient le teint verdâtre. Étonnés, ils dévisageaient Dorothée et son étrange escorte. Les enfants couraient se cacher derrière leur mère à la vue du lion. Mais personne ne leur adressait la parole. Il y avait de nombreuses boutiques et Dorothée remarqua que tout y était vert à l'intérieur. Tout ce qu'on y vendait était vert. Le sucre candi et le pop-corn, les souliers, les chapeaux et les habits. Dans une boutique, un homme vendait de la limonade verte et Dorothée vit que les enfants payaient avec des sous verts. Il semblait n'y avoir ni chevaux, ni animaux d'aucune espèce. Les hommes transportaient diverses choses dans de petites charrettes vertes qu'ils poussaient devant eux. Tout le monde avait un air heureux et satisfait, et chacun respirait la prospérité. Le gardien des portes les conduisit par les rues jusqu'au centre de la cité où se dressait un grand bâtiment, le palais d'Oz, le grand magicien. Un soldat était de faction devant la porte, en uniforme vert et arborant une longue barbe verte. « Voici des étrangers, lui dit le gardien des portes. Ils insistent pour rencontrer Oz le Grand. » « Entrez, répondit le soldat, je vais lui porter votre message. » Alors ça, déjà, dans le film, c'était beaucoup plus drôle parce que le mec à la porte disait « That's a horse of a different color, come on in !» Ce qui veut dire « C'est un cheval d'une autre couleur, rentrez !» Donc ça, c'était une phrase qui nous faisait hurler de rire, on était par terre. De rire. Là, c'est « Entrez, répondit le soldat, je vais lui porter votre message. » C'est moins drôle. Ils franchirent donc les portes du palais et furent introduits dans une grande pièce recouverte d'un tapis vert et dont les meubles verts étaient ornés d'émeraudes. Le soldat les pria d'essuyer leurs pieds sur un paillasson vert avant d'entrer dans cette pièce. Et quand ils furent assis, il dit poliment « Mettez-vous à votre aise pendant que je vais à la porte de la salle du trône pour informer Oz de votre présence. » Le soldat resta longtemps absent. Quand enfin il revint, Dorothée lui demanda « Avez-vous vu Oz ?»« Oh non, fit le soldat, je ne l'ai jamais vu. » Il a déclaré qu'il vous accordera une audience si vous le désirez, mais chacun d'entre vous doit se présenter seul devant lui et il n'acceptera d'en recevoir qu'un par jour. Par conséquent, puisqu'il vous faut rester au palais plusieurs jours, je vais vous faire conduire à vos chambres. Vous pourrez vous y reposer de votre voyage. Merci, répondit la fillette. C'est très aimable à Oz. Voulez-vous bien me suivre? Je vais vous montrer votre chambre. Dorothée prit donc congé de tous ses amis, exception faite pour Toto qu'elle attrapa dans ses bras, et avec la fille verte comme guide, elle enfila 7 couloirs et remonta 3 escaliers pour arriver à une pièce située sur le devant du palais. C'était la petite chambre la plus délicieuse du monde, avec un lit douillet et confortable, auquel on avait mis des draps de soie verte, recouverts d'une courte pointe de velours vert. Au milieu de la chambre, une toute petite fontaine répandait dans l'air 10 gouttelettes de parfum vert, qui retombait dans un bassin de marbre vert joliment sculpté. Il vaut mieux aimer le vert. Les fenêtres étaient garnies de splendides fleurs vertes, et il y avait toute une étagère remplie de petits livres verts. Quand Dorothée prit la peine d'ouvrir ses livres, elle y trouva plein d'images vertes bizarres qui la firent rire tellement elles étaient drôles. Dans une garde-robe pendait une multitude de robes de soie, de satin et de velours. Toutes étaient exactement à la taille de Dorothée. « Faites comme chez vous, dit la servante verte. Et si vous désirez quoi que ce soit, sonnez. Oz vous enverra chercher demain matin. » Elle laissa Dorothée seule et alla retrouver les autres. Elle les conduisit eux aussi à leur chambre et chacun d'eux se retrouva logé dans une aile très agréable du palais. Ce raffinement ne servit à rien, bien sûr, dans le cas de l'épouvantail, car quand il se retrouva seul dans sa chambre, il resta stupidement debout dans un coin jusqu'au matin, dans l'embrasure de la porte. La position allongée ne lui aurait procuré aucun repos. De plus, il ne pouvait pas fermer ses yeux. Il passa donc la nuit à fixer une petite araignée occupée à tisser sa toile dans un coin de la chambre, exactement comme s'il ne s'était pas trouvé dans une des chambres les plus merveilleuses du monde. La force de l'habitude fit s'allonger le bûcheron en fer blanc sur son lit, car il se souvenait de l'époque où il était fait de chair. Mais incapable de fermer l'œil, il passa la nuit à faire marcher ses articulations pour s'assurer qu'elles étaient encore en bon état de fonctionnement. Le lion, lui, aurait préféré un lit de feuilles sèches dans la forêt et n'appréciait guère d'être enfermé dans une chambre. Mais il était trop sensé pour se laisser importuner par ce détail. Il bondit donc sur le lit et, en se pelotonnant comme un chat, s'endormit dans un ronronnement le temps qu'il faut pour le dire. Il y a plein d'histoires sur le film. C'est un des films qui a fait connaître vraiment Judy Garland. Et à l'époque, elle était déjà grande. Elle avait, j'ai pas vérifié quel âge elle avait, mais elle avait bien 25 ans, à l'aise. Donc elle avait de la poitrine parce qu'elle était pas, elle me ressemblait pas vraiment physiquement. Et je sais qu'elle a beaucoup souffert. C'était un film MGM et Monsieur Meyer passait tous les matins sur le plateau. D'abord il l'appelait la bossue parce qu'elle se tenait pas très bien. Bonjour, comment va ma petite bossue? Et elle était complètement sanglée. Elle avait les seins complètement comprimés pour faire une petite fille de 16 ans, de 15 ans. Voilà. Puis il y a des histoires marrantes sur le tournage. Et à un moment donné, il y a une chanson avec... bon, parce qu'ils arrivent... Je ne vais pas vous raconter l'histoire. J'espère que vous avez vu le film. Mais quand ils arrivent dans... Quand la maison part du Kansas et arrive dans le pays d'Oz, et qu'ils écrasent la méchante sorcière, il y a les personnages du coin qui sortent et puis qui chantent une chanson. C'était joué que par des nains et des lilliputiens. Tous les lilliputiens d'Hollywood avaient été réquisitionnés. Donc ils s'amusaient beaucoup, ils étaient très blagueurs, et ils devaient chanter une chanson qui s'appelait « The Witch is Dead », et c'était « Ding dong, the witch is dead, the wicked witch », machin. Et alors, ils tournent la scène, tout le monde est très content, et puis tout le monde va au rush, et là, effarement, dans l'assistance, ils se rendent compte que tous les nains, en fait, c'était marré à chanter « Ding dong, the bitch is dead », ça veut dire « the bitch, la salope ». Alors, ils ont été obligés de retourner toute la scène. Tu as pris autant de plaisir à la lecture du livre qu'à voir le film. Oui, parce que l'avantage, c'est qu'il y avait toute cette série, donc il y avait tous ces autres personnages. Relire juste Le Magicien d'Oz, ça m'aurait moyennement amusé. En fait, je préférais me passer le disque et puis me repasser les images dans la tête. Mais découvrir tous les autres personnages, en fait, tous les bouquins de la série sont au moins aussi géniaux que celui dont le film a été tiré. Je suis Oz, le grand et le redoutable. Dans le film, c'est « I am the great and powerful Wizard of Oz ». Et en fait, dans le film, c'est un magicien, c'est un vrai magicien qui fait partir des fumées, des feux d'artifice et qui fait comme ça. Et en fait, dans le film, tous, ils arrivent en même temps. Là, il les fait passer un par un, mais c'est beaucoup plus drôle parce qu'il y a le chien qui passe derrière et qui aperçoit le petit bonhomme qui est en train de tirer sur les ficelles, d'appuyer sur les boutons pour faire un truc magique. Donc, je suis Oz, le grand et le redoutable. Qui êtes-vous et que me voulez-vous ? Elle s'attendait à entendre sortir de l'énorme tête une voix plus épouvantable. Cela lui rendit courage et elle répondit « Je m'appelle Dorothée, l'humble et l'obéissante. Je suis venue vous prier de m'aider. » Les yeux la regardèrent d'un air pensif pendant une bonne minute. Puis la voix ajouta « Où avez-vous trouvé les souliers d'argent ?»« Je les tiens de la méchante sorcière de l'Est que ma maison a tuée en lui tombant dessus, » répliqua-t-elle. « D'où vient la marque imprimée sur votre front ?» poursuivit la voix. « C'est là que la bonne sorcière du Nord m'a embrassée quand elle m'a fait ses adieux en m'envoyant vers vous, » dit la fillette. Les yeux la fixèrent à nouveau et ils virent bien qu'elle disait la vérité. Puis Oz demanda « Qu'attendez-vous de moi ?»« Envoyez-moi au Kansas où se trouvent ma tante M et mon oncle Henri, » répondit-elle d'un ton sérieux. « Je n'aime pas votre pays et pourtant il est si beau. » Je suis sûre que tante M se ronge d'inquiétude à cause de mon absence prolongée. Les yeux clignèrent trois fois, puis ils se tournèrent vers le plafond, s'abaissèrent vers le plancher et roulèrent de si étrange façon qu'ils semblaient balayer toute la pièce. Enfin, ils revinrent se poser sur Dorothée. « Pourquoi devrais-je vous rendre ce service ?» demanda Oz. « Parce que vous êtes fort et que je suis faible. » Parce que vous êtes un grand magicien et que je suis seulement une petite fille sans défense. Mais vous avez eu la force de tuer la méchante sorcière de l'Est, dit Oz. C'est arrivé tout seul, répliqua simplement Dorothée. Je n'ai pas pu l'empêcher. Eh bien, dit la tête, je vais vous donner ma réponse. Vous n'avez pas le droit d'attendre de moi que je vous renvoie au Kansas si vous ne faites rien pour moi en retour. Dans ce pays, rien n'est gratuit pour personne. Si vous désirez que j'use de mon pouvoir magique pour vous renvoyer chez vous, vous devez commencer par faire quelque chose pour moi. Aidez-moi et je vous aiderai. Ça nous rappelle quelque chose. Que dois-je faire ? Demanda la fillette. Tuez la méchante sorcière de l'Ouest, répondit Oz. Mais j'en suis incapable, s'exclama Dorothée au comble de la surprise. Vous avez bien tué la sorcière de l'Est et vos souliers d'argent ont un pouvoir magique. Il ne reste plus qu'une méchante sorcière dans tout le pays. « Le jour où vous m'apprendrez sa mort, je vous renverrai au Kansas, mais pas avant. » La fillette se mit à pleurer tellement elle était déçue. Les yeux clignèrent encore et lui lancèrent un regard inquiet, comme si Oz le Grand pensait qu'il dépendait de sa volonté à elle de l'aider. « Je n'ai jamais rien tué volontairement, » dit-elle dans un sanglot. « Et même si je le voulais, comment pourrais-je tuer la méchante sorcière ? Si vous ne pouvez pas la tuer vous-même, vous qui êtes si grand et redoutable, comment cela me serait-il possible à moi ?» « Je ne sais pas, » dit la tête, « mais telle est ma réponse et vous ne reverrez votre oncle et votre tante qu'une fois que la méchante sorcière sera morte. Cette sorcière est perverse, terriblement perverse, ne l'oubliez pas et il faut la tuer. Maintenant partez et ne demandez pas à me revoir avant d'avoir accompli votre tâche. » Dorothée quitta la salle du trône, la mort dans l'âme, et alla rejoindre le lion, l'épouvantail et le bûcheron, impatient d'entendre ce qu'avait bien pu lui dire Oz. « Tout espoir est perdu pour moi, » dit-elle. « Car Oz refuse de me renvoyer chez moi si je ne tue pas la méchante sorcière de l'Ouest et je ne pourrai jamais accomplir une chose pareille. » Ses amis étaient navrés mais ne pouvaient rien faire pour elle. Elle retourna donc à sa chambre, s'allongea sur le lit et à force de penser, finit par s'endormir. Et à part le magicien d'Oz, tu lisais beaucoup quand tu étais petite ? Ouais, je lisais beaucoup, beaucoup plus que maintenant. Je dévorais. Mais c'était des trucs de gamins américains, c'est des choses que les gens ne connaissent pas ici. Il y avait un personnage très, très connu là-bas qui s'appelle Dr. Seuss, qui s'écrit S-E-U-2-S, et qui était donc un pédiatre, et qui faisait des bouquins pour les enfants avec des dessins très, très délirants aussi. Mais il faut dire que dans les années 60, être un môme à New York, c'était un truc assez génial. Parce que les Américains étaient très, très, de façon très forte pour tout ce qui est pour les enfants. Il y avait vraiment les jouets les plus fantastiques, les bouquins les plus fantastiques, tous avec une imagination incroyable et en même temps pédagogique, et c'était beaucoup plus rigolo que les choses qui se faisaient ici. C'est assez récent qu'ils ont commencé à s'intéresser aux enfants en Europe. Mais les États-Unis, c'était vraiment le pays où tout était fait pour les mômes. Est-ce que tu te souviens de l'endroit où tu aimais lire? Quand j'étais vraiment petite, je me souviens pas. J'ai un souvenir après. C'était en France. C'était une maison de campagne. J'aimais bien lire dans l'herbe. Je tirais une couverture dans l'herbe et puis je restais des heures à bouquiner dans l'herbe, au lit évidemment. Sauf que maintenant, quand je bouquine au lit, je m'endors aussi sec. Mais quand j'étais petite, j'arrivais à garder les yeux ouverts. Je me souviens que je dévorais beaucoup. Mais ma mère, faut dire qu'elle a toujours été très comme ça, dingue de littérature, donc on avait tout ce qu'on voulait sous la main, quoi. Moi, je me souviens, par contre, voilà, quand on était vraiment gamin, on devait avoir 8 ans, elle essayait de nous lire La Recherche du Temps Perdu. Alors ça, qu'est-ce que j'ai pu m'endormir sur le début. Je me souviendrai toujours de la première phrase, comment c'était quand j'étais petit, je m'endormais toujours de bonne heure, et la troisième, tout le monde ronflait. Voilà les débuts de l'initiation à la lecture. Donc tu vois, on n'avait pas allé voler les bouquins, il y avait tout ce qu'on voulait. Le lendemain matin, le soldat au favori vert vint trouver l'épouvantail et lui dit « Suivez-moi, Oz m'envoie vous chercher. » L'épouvantail le suivit donc et fut introduit dans la grande salle du trône où il aperçut, assise sur le trône d'émeraude, une dame des plus ravissantes. Elle était vêtue d'une gaze de soie verte, et portait sur sa chevelure verte toute bouclée une couronne de joyaux. De ses épaules partaient des ailes aux reflets splendides et si légères qu'elles frissonnaient au moindre souffle. Devant cette belle personne, l'épouvantail fit une gracieuse révérence, autant qu'on peut le faire quand on est bourré de paille, puis celle-ci le regarda gentiment et dit « Je suis Oz, le grand et le redoutable. Qui êtes-vous et que me voulez-vous ?» Or, l'épouvantail, qui s'attendait à voir l'énorme tête dont lui avait parlé Dorothée, était au comble de l'étonnement. Néanmoins, il trouva le courage de lui répondre. « Je ne suis qu'un épouvantail bourré de paille. C'est pourquoi je n'ai pas de cervelle et je viens vous supplier de m'en mettre un peu dans la tête pour que je puisse devenir un homme comme tous ceux de votre royaume. « Pourquoi le ferai-je ? » demanda la dame. « Parce que vous êtes sage et puissante et que vous seule pouvez m'aider, » répondit l'épouvantail. « Je n'accorde jamais de faveur sans quelque service en retour, » dit Oz. Mais je veux bien vous promettre ceci. Si vous acceptez de tuer pour moi la méchante sorcière de l'Ouest, je vous octroierai une bonne dose de cervelle et d'une si bonne qualité que vous serez l'homme le plus sage de tout le pays d'Oz. Mais n'avez-vous pas demandé à Dorothée de tuer la sorcière ? Dit l'épouvantail étonné. C'est exact. Peu m'importe qui la tue. Mais je n'exaucerai pas votre vœu avant qu'elle n'ait été anéantie. Maintenant, allez. Et ne cherchez pas à me revoir tant que vous n'aurez pas mérité ce que vous désirez si ardemment. » L'épouvantail, très peiné, alla retrouver ses amis et leur rapporta les paroles d'Oz. Dorothée fut fort surprise d'apprendre que le grand magicien n'était pas une tête mais une belle dame. Le jour suivant, le soldat au vert favori vint trouver le bûcheron et lui dit « Oz m'envoie vous chercher, suivez-moi. » Le bûcheron s'exécuta donc et arriva devant la grande salle du trône. Il ignorait s'il allait voir Oz sous la forme d'une belle dame ou d'une tête, mais il aurait préféré la belle dame. Car, se disait-il, si c'est la tête, je suis sûr de ne pas obtenir de cœur, puisqu'une tête n'a pas de cœur et ne peut comprendre mon désir. Mais si c'est la belle dame, j'essayerai de l'attendrir. On dit que les dames ont le cœur tendre. Mais en entrant dans la grande salle du trône, le bûcheron ne vit ni tête ni dame. Oz avait pris la forme d'une bête terrifiante. Elle avait presque la taille d'un éléphant. C'était à se demander si le trône vert pourrait supporter son poids. Elle avait la tête d'un rhinocéros, mais était dotée de 5 grands yeux. 5 grands bras sortaient de son corps, qui était également pourvu de 5 jambes longues et maigres. Tout son corps était couvert d'un poil épais et laineux, et on ne pouvait imaginer de monstre plus effrayant. Heureusement pour le bûcheron qu'il n'eut pas encore de cœur, car celui-ci se serait affolé de terreur. Mais comme il n'était qu'en fer blanc, le bûcheron n'éprouva pas la moindre frayeur. Par contre, sa déception était grande. « Je suis Oz, le grand et le redoutable !» rugit la bête. « Qui êtes-vous et que me voulez-vous ? » « Je suis un bûcheron en fer blanc. Je n'ai donc pas de cœur et ne puis aimer. Je vous supplie de me donner un cœur afin d'être comme les autres hommes. »« Pourquoi le ferais-je ? » demanda la bête d'un ton hautain. « Parce que je vous le demande et que vous seul pouvez m'exaucer, » répondit le bûcheron. Oz accueillit ces mots par un sourd grognement. Mais ajouta bourru, « Si vraiment vous désirez un cœur, vous devez le mériter. »« De quelle manière ?» demanda le bûcheron. « Aider Dorothée à tuer la méchante sorcière de l'Ouest, » répliqua la bête. « Une fois la sorcière anéantie, venez me retrouver, et à ce moment-là, je vous donnerai le cœur le plus gros, le plus tendre, et le plus affectueux de tout le pays d'Oz. » Ainsi, notre bûcheron en fer blanc n'eut plus qu'à retourner tout chagrin auprès de ses amis et leur raconter son entrevue avec la terrible bête. Il s'émerveillait que le grand magicien pût prendre toutes ses formes. Et le lion dit « S'il m'apparaît sous les traits d'une bête, je rugirai de toutes mes forces et je l'effraierai tellement qu'il exaucera tous mes vœux. Si c'est sous les traits de la belle dame, je ferai mine de lui sauter dessus et je l'obligerai ainsi à réaliser ma prière. Si c'est la grande tête, elle sera à ma merci, car je la ferai rouler dans toute la salle jusqu'à ce qu'elle promette de nous satisfaire. Courage donc, mes amis, car tout va s'arranger. » On sent que le disque a beaucoup été écouté. Ah oui, il est bien, bien usé, bien rayé. Mais il n'a pas sauté, hein, on l'a quand même gardé précieusement. Alors ça, c'est tous les munchkins, donc tous les petits nains qui chantent. The wonderful wizard of Oz. If ever were there a wiz, there was the wizard of Oz is one because. Et donc Follow the Yellow Brick Road, c'est à partir de ça que Elton John a écrit son disque Goodbye Yellow Brick Road, c'était en référence à ça. Enfin bon, c'est un grand, c'est une grande œuvre. The Yellow Brick Road, c'est la route jaune la qui route mène en briques jaunes qui amène à Emerald City, qui est donc la ville de Way Oz. Now which way do we go? Pardon me, that way is a very nice way. Ça c'est l'épouvantail. Hein. Who said that? Le petit chien Toto. Wasn't he pointing the other way? Of course, people do go both ways. Alors là, c'est qu'il montre à droite et puis après il montre à gauche et en fait il monte dans tous les sens. How can you make up your mind? That's the trouble. I can't make up my mind. I haven't got a brain. Only straw. Oh, I'm a failure because I haven't got a brain. Well, what would you do with a brain if you had one? Do? Why, if I had a brain, I could while away the hours. Ça, c'est ta chanson préférée. Ouais. Si seulement j'avais un cerveau. C'est ça. Je pourrais penser à des choses auxquelles j'ai jamais pensé. Les paroles sont vachement. Je pourrais regarder la mer et avoir plein d'idées. Il rêve d'avoir des idées. For any individual in trouble or in pain. With the thoughts you'd be thinking, you could be another Lincoln if you only had a brain. Oh, I will tell you why. The ocean's near the shore. Je pourrais te, je te le traduis. Je pourrais te dire pourquoi la mer est près de la plage. Enfin, genre des trucs vachement métaphysiques, quoi. Mais là c'est une très belle histoire, c'est que tous ils vont donc voir Oz pour pour avoir la chose dont il rêve, c'est-à-dire... C'est-à-dire l'épouvantail, un cerveau, le Tin Man, un cœur, etc. Et en fait, la leçon de l'histoire, c'est qu'ils avaient déjà tout en eux. Et que le magicien, il leur donne chacun un diplôme de ce qu'ils avaient déjà. Et elle ne sait pas que depuis le début, elle a les chaussures rouges qui lui permettent de rentrer chez elle. Et à la fin, donc on lui explique qu'il suffit qu'elle tape les deux chaussures et qu'elle dise « There's no place like home », il n'y a pas d'endroit mieux que chez soi. Et elle est tout de suite chez elle, elle se réveille en fait d'un rêve, elle a rêvé tout ça. Le lendemain matin, le soldat au vert favori conduisit le lion à la grande salle du trône et s'effaça pour le laisser entrer. Le lion franchit aussitôt la porte, regarda autour de lui et à sa grande surprise, aperçut devant le trône une boule de feu, d'une lumière si cruelle qu'il pouvait à peine la supporter. Il crut tout d'abord qu'Oz avait pris feu par accident et achevait de se consumer, mais quand il essaya de s'approcher, l'intense chaleur lui roussit les moustaches, et en rampant, il regagna la porte, tremblant de tous ses membres. Alors une voix calme sortit de la boule de feu et prononça ces mots. « Je suis Oz, le grand et le redoutable. Qui êtes-vous et que me voulez-vous ?» Le lion répondit. « Je suis un lion poltron et rien m'effraie. Je viens vous supplier de me donner du courage pour mériter le titre de roi des animaux que tous les hommes me décernent. »« Pourquoi vous donnerais-je du courage ?» demanda Oz. « Parce que de tous les magiciens, vous êtes le plus grand et vous seul avez le pouvoir d'exaucer mon désir. » répondit le lion. La boule de feu flamboya un instant et la voix reprit. « Apportez-moi la preuve que la méchante sorcière est anéantie, alors je vous donnerai du courage. Mais tant qu'elle vivra, vous resterez un poltron. » Ce discours courroussa le lion, qui ne trouva rien à répondre. Hébété, il contemplait la boule de feu. Celle-ci se mit à rougeoyer. Il fit demi-tour et quitta la salle ventre à terre. Il fut content de se retrouver parmi ses amis et leur raconta sa terrible entrevue avec le magicien. « Et maintenant, qu'allons-nous faire ?» demanda tristement Dorothée. « La seule chose que nous ayons à faire, répliqua le lion, c'est de nous rendre au pays des Winkies, de nous mettre à la recherche de la méchante sorcière et de l'anéantir. Et si on ne peut pas, dit la fillette, alors je n'aurai jamais de courage, déclara le lion. Et moi, je n'aurai jamais de cervelle, ajouta l'épouvantail. Et moi, je n'aurai jamais de cœur, dit le bûcheron en fer blanc. Et moi, je ne reverrai jamais tante M et oncle Henri, dit Dorothée en se mettant à pleurer. Attention, cria la servante verte, vos larmes vont tacher votre robe de soie verte. Dorothée sécha donc ses yeux et dit, je crois que nous devons essayer, mais je ne veux tuer personne, même pour revoir tante M. Je vais vous accompagner, mais je suis trop poltron pour tuer la sorcière, dit le lion. Moi aussi je vais venir, déclara l'épouvantail, mais je ne pourrai pas vous être très utile, je suis tellement sot. Je n'ai pas le cœur de faire du mal, même à une sorcière, fit remarquer le bûcheron en fer blanc, mais si vous partez, alors je suis des vôtres. Il fut donc décidé qu'il partirait le lendemain matin. Le bûcheron aiguisa sa hache sur une meule verte et fit huiler toutes ses jointures. L'épouvantail, quant à lui, se bourra de paille fraîche et Dorothée lui repeignit les yeux pour qu'il y voie mieux. La servante, qui s'était montrée très aimable avec eux, remplit le panier de Dorothée de friandises et noua autour du cou de Toto un ruban vert orné d'une clochette. Ils allèrent au lit très tôt et dormirent profondément jusqu'à l'aube. Ils furent réveillés par le chant d'un coq vert qui vivait dans la basse-cour du palais et le caquettement d'une poule qui venait de pondre un œuf vert. Première lecture, lecture d'enfance. Extrait du Magicien d'Oz de Frank Baum par Caroline Loeb. Olivier Berotte, Pierre Bornard, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Thank you.